Évocation ou rappel. Al-dhikr. Le dhikr signifie l'évocation, le rappel d'Allah le Très-Haut. Celui-ci peut être accompli soit par la langue, soit par le cœur, mais la meilleure des formes de rappel est celle accomplie à la fois par le cœur et la langue. Allah, qu'il soit glorifié, ordonne aux croyants de se consacrer au dhikr. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Ô vous qui avez cru, évoquez souvent Allah et glorifiez-le matin et soir. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, Allah dit, je suis à l'égard de mon serviteur selon ce qu'il pense de moi. Et je suis avec lui lorsqu'il se souvient de moi. S'il me mentionne dans son fort intérieur, je le mentionne en moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée encore meilleure. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Une fois, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, demanda à ses compagnons, « Voulez-vous que je vous dise quelles sont vos meilleures actions ?» Les plus pures auprès de votre maître, celles qui vous élèvent le plus en degré, qui sont plus méritoires que de dépenser l'or et l'argent, ou de rencontrer vos ennemis, les combattre, ou qu'ils vous combattent ? Les compagnons répondirent, oui. Alors il a dit, le rappel d'Allah. Mu'ad, qu'Allah l'agrée, l'un des compagnons du prophète, a dit un jour, il n'y a rien qui préserve autant du châtiment d'Allah que le rappel d'Allah. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, se souvenait d'Allah à chaque instant, avant d'aller au lit et au réveil, en entrant et en sortant des toilettes, en entrant au marché, etc. Certaines formules de dhikr incluent le tahmid, c'est-à-dire dire Alhamdulillah, louange à Allah. Le tahlil, c'est-à-dire dire La ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Le tasbih, c'est-à-dire dire Subhanallah, gloire et pureté à Allah. Et le takbir, c'est-à-dire dire Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Le rappel d'Allah est très bénéfique. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, quiconque dit 100 fois, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses, obtiendra la récompense de celui qui a franchi 10 esclaves, 100 bonnes actions lui seront inscrites, 100 mauvaises actions lui seront effacées, et il sera protégé contre Satan en ce jour, du matin jusqu'au soir. Personne n'obtiendra de meilleure récompense que lui, excepté celui qui aura fait mieux que lui. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim.